Et ouais, c'est nous. Studek Web. Bienvenue sur Studek Web, il est 15h, bon après-midi à vous. Studek Web, les infos. On commence avec un point sur l'actualité avec Valentin Pat. Bonjour Valentin. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Dans l'actualité, les Gilets jaunes poursuivent leurs actions coup de poing. Au moins 110 points de blocage estimés sur l'ensemble du territoire à la mi-journée. Des ponts, des ronds-points et des accès au centre de stockage de carburant ont été fermés par les manifestants. Les routiers sont à l'arrêt sur de nombreux axes. Le camionneur à l'origine du mouvement appelle sur Facebook à écrire l'acte 2 ce samedi 24 novembre avec une convergence vers Paris. Pour rappel, près de 283 000 Gilets jaunes ont protesté samedi contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat au sein des 2000 rassemblements qui ont fait, on le rappelle également, un mort et 227 blessés. Le PDG de Renault dans la tourmente, Carlos Ghosn, a été arrêté ce matin au Japon. Le président de l'alliance Renault-Nissan est soupçonné d'avoir dissimulé une partie de sa rémunération au fisc japonais. Jeudi, Nissan va proposer son départ et selon les médias nippons, Carlos Ghosn a été interrogé par le parquet de Tokyo. En Allemagne, le titre Nissan a dévissé de 11%. Dans les minutes qui ont suivi, 12% à la Bourse de Paris. Emmanuel Macron a assuré ce midi que l'État français, actionnaire de Renault, serait extrêmement vigilant à la stabilité du constructeur automobile. Également dans les affaires de justice, affaires de fichage ethnique au PSG, le parquet de Paris ouvre une enquête, notamment pour discrimination. Vous l'entendrez notamment dans votre prochain point d'information. Le président de la République en visite d'État en Belgique aujourd'hui, la première depuis 47 ans, une rencontre bilatérale avec des mesures signées en faveur des partenariats économiques favorisant l'investissement de chacun des territoires. Autre sujet majeur sur la table des discussions, des accords pour lutter contre le terrorisme. Une visite qui devrait s'achever demain après deux tables de discussion organisées autour du tissu associatif. À Bruxelles toujours, les 27 commissaires européens donnent un premier feu vert à l'accord de divorce négocié avec Londres. La première ministre britannique Theresa May, qui se rendra dans la semaine à Bruxelles, fait face à une forte pression au Royaume-Uni. Si le gouvernement britannique soutient lui aussi le texte final, il restera ensuite à le faire ratifier par le Parlement européen d'un côté et le britannique de l'autre. Prochain sommet exceptionnel à Bruxelles ce dimanche. Vous l'aurez remarqué, vague de froid depuis ce matin. En contrepartie, cet après-midi, vous conservez de bons moments ensoleillés dans l'ouest. À l'est, ça se dégrade avec quelques chutes de neige en soirée. Dans la nuit prochaine, c'est toute la partie centrale du pays qui sera concernée, jusqu'à 5 cm dans le Grand Est. Pour l'heure, des nuages dans les Rhône-Alpes et aux Flandres jusqu'au Grand Est. Dans l'extrême sud, quelques nuages et partout, c'est dégagé sur le reste du territoire. 4 à 8 degrés au nord de la Loire jusqu'au nord du Limousin et 13 à 15 degrés, Lucas, d'une ligne allant de Bordeaux à Toulouse. Tout de suite, on vous retrouve, Lucas, avec toute l'équipe de Borderline. Merci Valentin. Prochain point sur l'actualité à 15h30. Studek Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h, 16h, c'est Borderline sur Studek Web. Ça y est, c'est lundi, bonjour à tous, c'est bientôt Noël et j'espère que vous passez un excellent début de semaine. Pas du tout, c'est pas bientôt Noël, on est seulement le 19 novembre, mais on a déjà installé le sapin de Noël au Studek, donc c'est pour ça, ça me fait rappeler les souvenirs de Noël. Vous êtes bien dans Studek Borderline, votre émission favorite de Studek Web, soyons honnêtes et modestes. Pendant une heure, on vous accompagne avec Thomas sur votre après-midi. On va vous commencer à avoir l'habitude. Hein. Mais pour les petits nouveaux, bienvenue déjà. Et vous avez fait le bon choix en nous écoutant. Pendant une heure, on va vous apprendre des choses avec les sondages et le saviez-vous, les alertes médias. On va parler séries, urbain et musique avec l'instant musique. Et on va s'en écouter aussi de la musique, surtout avec la playlist Studek Web qui ne nous quitte pas. Toujours vos sons préférés avec à venir DJ Snake, ALP, les Therapy Taxi. Et pour ça, comme je disais, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Lucas, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui Thomas? La forme. Il fait froid. Il fait très froid, malheureusement. Valentin nous l'a dit et ça va continuer, malheureusement. Et malheureusement aussi, Annaëlle n'est pas avec nous aujourd'hui. Oh. Mais ne vous inquiétez pas, elle reviendra mercredi avec toute sa bonne humeur. Et bien sûr, n'oubliez pas, Thomas et moi, en fin d'émission, on vous fera jouer aux poupées russes. Le concept, c'est très simple. On vous présente deux thèmes. Thomas, le tien. Alors moi, c'est la peur. Et moi, ce sera la cuisine. Vous choisissez votre thème, celui que vous aimez le plus, et vous avez 45 secondes pour nommer le maximum d'éléments en rapport avec ce thème. Mais attention, un thème peut cacher un sous-thème que vous aimez moins, alors faites bien votre choix. Et si vous voulez participer, il faut nous envoyer un MP sur la page Facebook de Studek Web. Le saviez-vous ? Studek Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studec Borderline, vous vous coucherez moins bête. Le saviez-vous ? Avec Studec Web, vous allez épater vos collègues à la machine à café. C'est ce qu'on vous propose de faire maintenant, avec quelques infos étonnantes que vous pourrez raconter au boulot et mettre sur le cul tous vos collègues, et j'exagère à peine. Thomas, je te laisse commencer, qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui ? Alors vu le temps qu'il fait dehors, je pense que cette info est tout à fait d'actualité. Imaginez-vous, vous êtes fumeur, vous avez oublié votre briquet, et il n'y a aucun signe de vie à 145 km aux alentours, rien que ça. J'ai donc pour vous la solution ultime. Faire du feu avec de la glace. Et oui, c'est étonnant, ah oui, mais ça marche. Ouais. Pour ça, il vous faut un lac gelé, bon, faut le trouver, un couteau, des mains chaudes et du bois ou des feuilles sèches. Bon, bah, il est également conseillé d'avoir une journée ensoleillée, hein, sinon ça marche pas trop. N'étant pas prof de physique, je ne vais pas vous faire un cours détaillé, mais il s'agit du même principe qu'avec une loupe. Il faut laisser passer les rayons de soleil à travers la lentille, donc de la glace, et patienter. Pour arrêter de l'histoire, il ne faut pas oublier son briquet. Eh ben, merci Thomas, si vous avez une glace près de vous, vous pourrez faire du feu. Et on a quelques petites questions à vous poser dans quelques minutes. On parlera aussi de la street avec Thomas et son instant urbain. C'est juste après DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B et Ozuna. Autant de grands artistes, ça ne peut que donner un énorme tube. Taki taki sur Studec Web. Bon après-midi. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rum. Studec Studek Web, cinquième semaine que Taki Taki occupe la première place du Music YouTube Video Chart avec un peu moins de 80 millions de vues depuis sa sortie. Et on va parler un peu de Noël maintenant, voilà. Je sais pas trop ce que j'ai avec cette fête, mais je l'aime trop. L'ambiance, les décos, les repas de famille avec qui on va plus pour le repas que pour voir le tonton relou qu'on ne voit qu'une fois à Noël justement. Et on y va surtout pour les cadeaux. Alors je sais pas si toi Thomas t'as déjà fait tes courses de Noël. Alors pas du tout. Je me suis renseigné. Je vais faire quoi? J'ai internet, ma petite liste. Voilà, internet. C'est le Black Friday, il faut le rappeler. Il y a des promos bientôt, et tout. Exactement. Ça va arriver. Et mais non, pas du tout. J'ai pas commencé. Et ben, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai des sondages qui ont commencé de tomber. Et c'est ce que les jeunes vont dépenser pour chaque cadeau de Noël. Alors, les jeunes entre 18 et 25 ans, 43% dépenseront entre 0 et 50 euros pour faire des cadeaux de Noël. Et attention, c'est pas pour tous les cadeaux, hein, c'est par cadeau. Mais sachant que c'est des jeunes, je trouve ça quand même énorme parce que si tu mets 50 euros par cadeau, moi j'ai vite fait le tour. Hein. Ma mère, mon père et je suis ruiné. Voilà. C'est ça. Je sais pas si toi c'est pareil, mais. Ouais, c'est à peu près pareil, surtout que moi j'ai une dizaine de cadeaux. Voilà. Donc à chaque fois quand je dis ça à mes potes, ils disent mais c'est énorme, t'as quoi, t'as 20 piges et... Bah on a une grande famille du coup, faut faire plaisir à tout le monde. Exactement ça. On va faire des cadeaux au papa maman, ça sera bien. Et si vous voulez réagir avec ce sondage, envoyez-nous un message sur la page Facebook de Studek Web et on vous prendra à l'antenne dans quelques instants pour en parler. Et il y a aussi le sondage sur la story Instagram de Studek Web, vous pourrez y répondre. Alors Thomas, de quoi vas-tu nous parler maintenant? Eh bien, dans le plat du jour aujourd'hui, je vous propose un plat élaboré, un plat futuriste, sauf que contrairement au film Retour au futur, pour ceux qui ont reconnu, inutile de monter dans une DeLorean modifiée puisque tout ce que je vais vous présenter est d'actualité ou alors dans un futur très proche. C'est de toute beauté! Et oui, effectivement, je vais tout faire pour que ce soit de toute beauté. Je vais en effet vous présenter quelques gadgets plus ou moins utiles qui vont améliorer votre quotidien ou tout simplement se rajouter sur une planche posée entre deux tréteaux lors de la brocante de votre village. Bref, si je vous dis Bob... L'éponge? Bob l'éponge, carré, wow. Eh ben non, c'est doublement perdu, pas ce Bob là, et encore moins une éponge. En effet, l'objet en question fait tout pour ne plus l'utiliser, donc plus utiliser d'éponge. Bob est donc un mini lave-vaisselle révolutionnaire. Il est tout petit, il utilise seulement 3 litres d'eau, même rien. Il nettoie en seulement 20 minutes et il est fabriqué en France, c'est important de le rappeler. Franchement, on peut difficilement lui reprocher des choses, enfin si son prix, 300 euros pour un lave-vaisselle de couvert. Mais bon. Ça va, c'est le prix habituel pour un lave-vaisselle. Hein, ouais, mais de couvert, les 300 euros. Ah, de couvert. Ouais. Bon, après, en 20 minutes, tu peux en faire. Voilà, tu peux enchaîner si t'as que ça à faire. Mais, mais bon, pour te rassurer, tu peux choisir parmi une sélection de 12 couleurs. Voilà. Concernant le prochain objet, vous ne pouvez pas choisir sa couleur, mais il va vous éviter de faire ça. Et voilà, je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation. On sort d'une bonne douche bien chaude et on s'aperçoit que le miroir est recouvert de buée. Il y a alors deux options. Frotter. Ou alors investir dans un miroir chauffant qui va éviter la buée. Ah, bon, par contre, pour l'écologie, quoi. On repassera. Oui, effectivement. selon un sondage que j'ai fait sur un panel d'une seule personne, moi, le trousseau de clés est l'objet le plus perdu au monde. Ah, clairement, oui. Eh bien, figurez-vous qu'il existe un GPS pour clés. Voilà, pas plus gros qu'un porte-clés. Ouais, bah oui, il vous dira à tout moment où se trouvent vos clés. Voilà, et enfin, dernier objet, ou plutôt mobilier, j'ai nommé le banc rotatif. Et oui, qui ne s'est jamais assis malheureusement sur un banc bien mouillé. Et ben avec ce banc, il n'y a plus ce souci là, parce qu'il y a une manivelle sur le côté, il suffit de la tourner, et puis bah le banc se tourne en quelque sorte, et puis bah tu t'assois sur un banc sec. Toi, Lucas, c'est quoi ton objet préféré? Moi, c'est clairement le lave-vaisselle. Attends, c'est chiant clairement faire la vaisselle, c'est une horreur. Là, t'économises de l'eau, tu te fais la vaisselle, tu peux faire de la vaisselle pendant toute la journée, c'est cool. C'est cool, voilà. Merci Thomas. La chanteuse de 37 ans, je sais c'est mal de dire l'âge des femmes, j'en suis désolé, Elpi arrive sur Studek Web, cette artiste qui a beaucoup travaillé dans l'ombre de grandes chanteuses comme Rihanna, Christina Aguilera ou encore les Backstreet Boys, a sorti cet été un titre avec Mylène Farmer, n'oublie pas, titre classé numéro 1 des ventes sur iTunes, et ça c'est son énorme tube Lost on You sur Studek Web. Bon après-midi. Oh, Studec Web, vous êtes toujours dans Studec Borderline, votre émission qui repousse toutes les limites. Dans Studec Borderline, on vous en apprend tous les jours. Thomas, tu vas nous en apprendre et tu vas nous éclairer sur un concept peu connu. Je vais essayer, oui, t'éclairer, oui, c'est un bon jeu de mots, ça, Lucas, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un concept un peu flou, voire même complètement obscur. Voilà, ça va être tout noir, oui, c'est très bien dit. Mais Lucas, tu vas me dire, on voit rien, Thomas, allez, dis-le. Allez, mais on voit rien, Thomas. Eh bien, pour te répondre, oui, on voit strictement rien, puisqu'il s'agit d'un restaurant dans le noir, et tout le concept repose là-dessus. Donc les créateurs de cette idée ont justifié ce choix en disant que, comme notre cerveau doit s'occuper d'un sens en moins, à savoir la vue, il se concentre sur les autres. Le toucher, le goût, l'odorat sont donc bien plus sensibles et plus réceptifs que d'habitude. Bon, je n'ai pas parlé de l'ouïe, car pour manger, c'est pas spécialement utile. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Bon, rassurez-vous, c'est pas le cas pour le restaurant, hein. Le principal intérêt est que, par exemple, nous sommes censés bien plus ressentir les goûts. Mais ce principe est également une aventure humaine, puisque le personnel en salle est composé de personnes malvoyantes, chose très rare dans le domaine de la restauration. Mmh. Et oui. Et pour ceux qui s'inquiètent, les serveurs expliquent tout au début du repas. Il faut, par exemple, mettre un doigt dans son verre pour savoir quand est-ce qu'il est plein. Vous voulez un whisky ? Ou juste un doigt ? Vous voulez pas un whisky d'abord ? Chose qui est également sympa et que le contenu du menu vous est dévoilé à la fin du repas. Il faut donc essayer de le deviner. Pour ceux qui sont allergiques, aucun souci, cela vous est demandé avant même de rentrer dans la salle du restaurant. Cette dernière s'effectue d'ailleurs main dans la main à la queue leu-leu. Mais du coup, dis-moi tout, parce que moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est où ? C'est à Paris ? Alors concernant les infos pratiques, je vais te le dire, Lucas, ouais, j'y viens. Le premier prix pour les menus est de 45€, c'est un petit peu onéreux, mais le restaurant se veut une orientation gastronomique. A noter donc qu'il y a un menu vegan, c'est très d'actualité, à disposition, et le restaurant se trouve dans le 4ème arrondissement de Paris, rue Quincampoix. Est-ce que si on devine ce qu'on a mangé, on a le repas gratuit ? Non, je ne crois pas. Bah tant pis, j'irai quand même, merci Thomas. On joue au jeu des poupées russes sur Studec Web. 45 secondes, c'est le temps que vous avez pour jouer aux poupées russes. À gagner un pack Studec Web et une visite de l'école et des studios. Pour gagner, c'est très simple. Vous devez donner un maximum de bonnes réponses en rapport avec le thème que vous avez choisi. Le thème de Thomas, la peur. La peur. Et mon thème, la cuisine. J'ai mon accent espagnol. Mais attention, ne vous fixez pas aux apparences, car un thème peut en cacher un sous-thème qui vous inspire pas du tout. D'où le nom les poupées russes. Ouais, c'est bien trouvé, c'est malin. Oui. Poupée qui peut cacher une autre poupée, c'était tout bénef pour nous. Mais bon, faites le bon choix et donnez le nombre de réponses demandées pour remporter ces très beaux cadeaux. Pour participer, envoyez-nous un message sur notre page Facebook de Studec Web avec le numéro de téléphone et on vous rappellera si vous êtes tiré au sort. Dans la suite de la playlist Studec Web, les thérapies taxi vous attendent. Avec leur dernier titre Avec ta zouze, Thérapie Taxi qui viennent justement de sortir la réédition de leur premier album Eat Sal Extra Cheese. Il est sorti vendredi et il est composé de 14 titres inédits au programme comme toujours amour, sexe et musique. Et n'oubliez pas de nous dire sur les réseaux sociaux combien vous dépensez pour vos cadeaux de Noël. On en parle tout à l'heure avec dans un instant l'un d'entre vous qui passera avec nous à l'antenne. Retrouvez le meilleur laboratoire radiophonique de France. Viens manier des éprouvettes d'humour, des potions de folie et mélange-les à ta personnalité. Le studio École de France est un vrai labo radio où sont formés des animateurs et animatrices. Des techniciens. Mais aussi des journalistes. Alors si tu aimes l'actualité et que tu veux la décrypter, rejoins-nous. Studio École de France, 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux. 01 46 20 31 31. Et toi, repose cette fiole de blagues lourdes. Oh, mais j'ai jamais le droit aussi. Studec Web, une radio des hits. Studec du kiff. Studec Web. N'est pas le seum, fais-moi la bise. Ce soir, c'est sûr, elle est conquise. Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo. C'est moi qui tease. J'arrive dans la pièce, t'es en susu. Ta meuf est trop bonne et j'ai trop bu. Jean, cocktail et costume bleu. Regarde amour, regarde feu. Tu paniques, t'es en nage et t'es perdu. Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu. Luxe, hôtel, chambre sur mer. Je vis dans ses rêves, loin de ton cœur. son nectar. J'ai senti la coco, c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. La gourmandise se voit dans ses deux yeux. Elle passe encore une main dans ses cheveux. Tu parles encore de toi, tu la saoules. Tu peux dire adieu à son boule. N'est pas le seul, fais-moi la bise. Ce soir, c'est sûr, elle est conquise. Ma bouche à ses lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Dans la chambre et t'as rien vu. Puis j'ai vu ta goutte toute fraîche. Capter le balancement de ses fesses. Ta meuf sera ma queen pour une nuit. Je vais la gâter fort dans le lit. Comme une aventure où t'es pas là. Comme un plan à trois un peu sans toi. Ta meuf est trop douce, c'est son état. J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. J'enlève sa culotte avant l'excès. Elle est déjà trempée, elle a tes pieds. On t'a encore perdu dans la foule. Si tu l'entends crier, c'est qu'elle mouille. Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo, c'est moi qui tease. Ma bouche à ses lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Saison dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. S'amuse, c'est surtout doux avec moi. Laisse-la un peu toute nue dans mes bras. Elle me dit qu'elle n'a jamais fait ça. Je lui souris, lui montre la voie. À deux, l'amour se fera sans toi. À deux, ta zou salive à les draps. À deux, l'amour se fera sans toi. À deux, ta zou salive à les draps. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Des jeunes entre 18 et 25 ans dépenseront entre 0 et 50 euros pour chaque cadeau de Noël. Thomas, c'est ce que t'as prévu de dépenser, non? Pour une personne, ton pardon. Il faut allumer le micro, ça marche mieux en radio. C'est mieux. Ouais, ça dépend. Pour mes parents, oui, c'est 50 voire plus. Pour les cousins, c'est un petit peu moins. Ouais, bah normal. C'est, ah, mais... c'est pas en fonction de, ça, de l'amour, dire. Tu vois. Et est-ce votre cas, vous, à la maison? On a Guillaume au téléphone. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Salut. Comment Guillaume. Ça va, Guillaume? Oui. Eh ben, ça va bien, j'ai l'impression. Non, comment ça va, Guillaume? Ouais, ça va super. Alors, tu as 25 ans et tu viens de Marseille, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, dis-moi, déjà, est-ce qu'il fait froid comme à Paris, à Marseille? Parce que nous, c'est l'horreur. Ah non, franchement, c'est doux. C'est doux. Ah bah, je vais venir à Marseille demain. Bah, de Marseille. T'es prévenu. C'est doux, de Marseille. Voilà. Et j'ai appris que t'étais boulanger aussi, Guillaume. Exactement, oui. Dans le Vieux-Port. Tu te lèves très tôt quand même. Ouais. À 4h du matin. Faut que tu me donnes l'adresse de ta boulangerie, je viendrai y passer un coup. Alors, Guillaume, stress de blabla, est-ce que c'est ton cas? Combien tu dépenseras cette année par cadeau de Noël environ? Moins ou plus de 50 euros? Très franchement, c'est moins de 50 euros. Bah, normal, c'est hyper cher, 50 euros, plus de 50 euros pour un cadeau, je trouve. Bah, non, mais c'est pas ça, c'est surtout j'ai une famille qui est super grande et du coup, si je dois contenter tout le monde, bah, il y a un moment, voilà. Je peux pas non plus offrir une voiture à chacun. Non, tu dépenses un SMIC pour payer les cadeaux à tout le monde, c'est plutôt compliqué. Mais c'est quel style de cadeau que tu vas faire et qu'est-ce que tu aimerais recevoir surtout? Alors, en cadeau, bah, ça dépend. Les neveux, genre, je leur offre souvent les Lego parce que bah, c'est un classique. Ah, c'est, un classique. C'est le classique. Bah, voilà. Hein. Après non je sais pas, ouais, du parfum, des trucs comme ça, genre un truc Axe Scorpio, les trucs comme mais ça. Mais l'argent là. Aussi non, tu veux pas demander d'argent? Mais ça coûte cher aussi surtout. Ouais mais après, enfin c'est pas non plus ultra cher pour ce que c'est la qualité parfum, derrière. Oui, tu vois. Voilà, mais un parfum quand même on est au-dessus de 50 euros, Guillaume. Non mais après c'était la moyenne, après la famille éloignée, je vais faire un petit truc. Je te comprends totalement Guillaume, mais ben, en tout cas merci, si vous aussi c'est votre cas, n'hésitez pas à nous répondre sur les réseaux sociaux et à suivre notre programme. Je t'embrasse Guillaume et à la prochaine. Merci. Attention, l'alerte média a sonné, on a des news à vous donner, j'ai même fait des rimes si c'est pas beau. Et oui, pourquoi Happy Birthday ? Parce que hier, c'était l'anniversaire d'une femme qu'on connaît tous et qui se fait très très vieille. Elle s'appelle Minerva. Est-ce que Thomas, tu sais qui est Minerva ? Alors, pas du tout. Je vais te décevoir, mais pas du tout. Alors, mais je pense que même vous, à la maison, vous ne savez pas qui c'est parce qu'on ne la connaît pas sous ce nom. En fait, il s'agit de Minnie. La fiancée de Mickey qui fête aujourd'hui ses 86 ans. Plus si jeune, la petite souris gentille. Hein. On connaît les envies de la petite hein, sous sa jupe rouge. Elle a envie de séduire Mickey. Et petite anecdote, le saviez-vous ? Au parc Disney du Japon, la file d'attente de hier, justement, pour les 90 ans de Mickey et Minnie, parce qu'ils sont nés le même jour, elle était de 11 heures pour prendre une photo avec Mickey et Minnie parce qu'ils fêtaient leurs 90 ans. Pourtant, ils n'avaient rien prévu de plus. 11 heures pour prendre une photo avec Mickey, on a vu mieux. Déjà Space Mountain, 2 heures, j'en peux plus. Alors 11 heures pour prendre une, 11 heures pour une photo. Non, je dis non. On n'est pas bien. Alors comme vous le savez très certainement, samedi dernier, de nombreux Français ont exprimé leur ras-le-bol, si je puis dire. Ils avaient du gouvernement. Ces derniers se font appeler les gilets jaunes. Et je vais reprendre la célèbre phrase maintenant très célèbre d'un petit garçon. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan ? Bah non, c'est pas Jonathan, là, c'est Eric. Eric, armé de sa chaise et d'un balai, Eric a manifesté seul samedi sur le carrefour du centre-ville de Montluçon. Bon, pour ceux qui ont de la peine, rassurez-vous, il n'est resté qu'une heure. Il est resté tout seul au son carrefour. Oui, il est resté qu'une heure, bon, c'est déjà pas mal. Mais extrêmement. Je veux voir la photo, Thomas. Bah, il y a la vidéo, on va vous la mettre sur la page on va la mettre de l'émission. Vous pourrez voir ça parce que c'est extrêmement drôle. Moi, je vous parlais foot maintenant. Avec l'équipe de foot de Belgique éliminée à la Ligue des Nations, après avoir perdu un match contre les Suisses, ils ont perdu 5-2 alors qu'ils menaient 2-0 lors de la première mi-temps. En même temps, pas étonnant puisque c'est pas eux les champions du monde, Thomas. Ouais, mais bon, on a quand même perdu 2-0 contre les Pays-Bas, donc c'est pas terrible, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le plus important, c'est qu'on soit champion du monde. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, autre... Oui, bah laisse-moi, je suis perdu, Lucas. Je te laisse. Alors, comme chaque année a lieu la vente des vins des Hospices de Beaune, et cette 158e édition a battu un record historique puisque la vente a atteint un total de 14,2 millions d'euros. Wow. Et un autre record a été battu, celui du plus haut prix atteint pour une pièce de vin. Un bâtard Montrachet, pardon, oui Lucas, on parle bien de vin, ne t'inquiète pas. Un grand cru qui a été vendu 135 000 euros. Et tout cet argent sera versé à l'association Sœur Emmanuel ça, c'est aide beau. Les enfants atteints du cancer. C'est beau, mais je trouve ça énorme. Mais c'est vrai qu'il y a de vrais amateurs de vin c'est qui peuvent dépenser une fortune. C'est un fût, je rassure, on c'est est un d'accord. Fût. Les poupées russes sur Studek Web, c'est votre jeu qui commence dans quelques instants maintenant. Donc continuez à nous appeler, bien sûr. Vous pouvez vous inscrire pour jouer avec nous. Le but est très simple. Vous avez deux thèmes. Thomas a choisi la peur et moi la cuisine. La peur. Faut le mettre avec peur. Parce que c'était Halloween, du coup, il est assez raccord sur Studek Web. Suite de la playlist Studek, c'est Rise, son plus grand tube, qui a fait plus de 250 millions de vues sur YouTube. Corentin arrive dans quelques instants maintenant avec toute son équipe pour faire votre actu, c'est l'heure des médias. Pendant une heure, il vous inculquera les passions de la média avec bien sûr les actus, bien sûr les programmes télé du jour. Il y aura aussi le débat sur les gilets jaunes qui s'est passé hier et bien sûr samedi. Vous aurez un débat houleux entre Valentin, Pauline et Thomas, c'est dans un instant sur l'heure des médias sur Studek Web. Studek Web, il est 15h30. Studek Web, les infos. On fait un point sur les infos avec Kevin. Salut Kevin. Salut. Actuellement en Belgique, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré pendant une conférence de presse aux côtés du Premier ministre belge Charles Michel que l'État en tant qu'actionnaire va être extrêmement vigilant avec le constructeur automobile Renault et l'alliance avec Nissan suite à l'arrestation au Japon du patron du groupe Carlos Ghosn. Le président de la République a continué en disant que l'État soutient l'ensemble des salariés de l'entreprise. Suite à des possibles fraudes révélées par une enquête interne de Nissan, il aurait dissimulé des revenus au fisc et utilisé de l'argent du groupe à des fins personnelles. Pardon. Nissan réunira son conseil d'administration jeudi pour voter le départ de Carlos Ghosn. Troisième jour du Rassemblement national des Gilets jaunes, une partie des manifestants ont décidé aujourd'hui de bloquer principalement les autoroutes et aussi sur les dépôts pétroliers tout en maintenant les barrages déjà mis en place. Mais les gilets jaunes sont beaucoup moins nombreux que ce samedi où ils étaient pas moins de 290 000 et ce matin ce sont 13 000 manifestants rassemblés sur 358 sites selon la police. Le gouvernement entend les demandes des Gilets jaunes, mais le président de la République n'a toujours pas évoqué le sujet, mais a dit répondre en temps voulu. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre le PSG sur les révélations sur les fiches ethniques. C'est la Ligue des droits de l'homme qui a porté plainte ce vendredi dernier contre le club de la capitale pour discrimination et pour collecte et traitement des données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques. Cette nuit, le bilan du Camp Fire s'est encore alourdi avec maintenant 77 morts alors qu'une veillée funèbre rendait hommage aux victimes. On rappelle que l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie a ravagé plus de 60 000 hectares et près de 10 000 habitations. Les autorités ont demandé aux proches des personnes portées disparues à transmettre des échantillons ADN pour identifier le corps retrouvé. Et au Sri Lanka, un policier enquêtant sur les proches de l'ex-président Mahinda Rajapaksa a été muté du département d'enquête criminelle sur ordre du président actuel Maithripala Sirisena. Le policier en question, Nishanta Silva, était sur le point de procéder à une arrestation significative. Cette mutation intervient au moment où l'ex-président est de retour sur le devant de la scène. Et côté météo, il fait très froid aujourd'hui sur tout le pays avec ce vent glacial qui vient tout droit de Russie. Notamment sur le nord-est du pays, de la neige serait même à prévoir entre aujourd'hui et demain sur Lyon. La grisaille est totalement présente au nord et principalement dans le nord-est, sauf à Marseille et Nice. En revanche, le soleil est presque sur tout l'ouest de la France. Les températures au nord sont comprises entre 3 et 7 degrés, pour le sud de 3 à 13 degrés. Il fera notamment 3 à Dijon, 6 à La Rochelle, 7 à Aurillac, 11 degrés pour Nice, 12 à Biarritz et 15 degrés à Ajaccio. Merci Kevin, le prochain rendez-vous de l'actu à 16h. C'est Borderline sur Studek Web. Vous êtes toujours sur Studek Borderline, le jeu des poupées russes se rapproche. Tentez de repartir avec un pack Studek Web, plus une visite de nos studios. Pour ça, déjà inscrivez-vous sur notre page Facebook en message privé. Et ensuite, si vous êtes choisi, vous venez défier l'un d'entre nous, Thomas ou moi, avec notre thème. La peur pour Thomas, voilà. Et la cuisine pour moi. Attention, le thème que vous aurez choisi cache peut-être un sous-thème plus atypique. Vous avez le temps de vous inscrire pendant la musique de Jonas Blue. C'est Rise sur Studek Web. Alors je vous souhaite une excellente chance à tous. We're gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. When we hit the bottom. Must be. retour sur Studek Web après ce très bon titre de Jonas Blue. On va parler série avec Thomas. Oui. Pardon, je suis désolé. Ne t'inquiète pas. Alors, on va parler série, oui. Alors, Lucas. Oui. Est-ce que tu sais quelle série on va parler aujourd'hui? Bah, comme on a préparé l'émission ensemble, je dirais oui. Bah, non, en fait, tu devais me répondre non. Ah. Parce que ton but, c'est de gâcher ma chronique? Non. Très bien, alors tu fais le malin, tu sais quoi? Je te donne mes feuilles et tu te démerdes. T'as 2 minutes pour me parler de Grey's Anatomy. De Grey's Anatomy. Allez, pas tu te démerdes, Lucas. Là, je dois t'avouer, Thomas, que je n'ai aucun souci à te faire une totale impro, que j'ai écrite hier, bien sûr, car c'est clairement ma série préférée. Vous connaissez tous ou presque cette série culte diffusée depuis 2006 en France. On y suit une équipe de 5 chirurgiens, enfin, au début, car ensuite, ça a été 3, puis 6, puis 7, puis 12, puis on suit maintenant tout l'hôpital. Bref, c'est assez compliqué, donc je récapitule. Cette série tourne autour de Meredith Grey, étudiante en médecine, et ses amis, Yang, Christina, George et Izzy. Mais par la suite, George meurt, Izzy part parce qu'elle a un cancer. Ensuite, l'histoire évolue, des personnages sont ajoutés, d'autres tués. Bref, c'est un peu le bordel niveau casting. Voilà pourquoi, si vous voulez suivre cette série, il faut regarder épisode par épisode. Commencez par l'épisode 1 de la saison 1. Impossible de louper un épisode. Sinon, vous pourriez louper une bombe nucléaire, la mort de 12 chirurgiens, le cancer de Meredith. Bref, ne ratez jamais un épisode de Grey's Anatomy. Les premiers mots avec lesquels je décrirai cette série, c'est humour. Oui, bon, on est d'accord, c'est pas tout de suite le mot qui vient en premier quand on parle d'une série où des enfants meurent d'une maladie incurable dans les bras de leurs parents. Il y a plus gay dans une vie, voilà. Et ça parle aussi de sexe, ça tourne des fois plus autour du sexe que de la médecine. C'est là, j'ai l'impression d'entendre plus « j'ai envie de toi » que « j'ai besoin de sang ». On est sur quelque chose d'assez particulier pour un hôpital. Mais aussi des émotions. Je suis assez fragile, ne me jugez pas. Grey's Anatomy, en quelques chiffres, c'est 15 ans de tournage. Ça a commencé en 2003, 15 saisons. Il y a plus de 1000 épisodes, des centaines et des milliers d'acteurs qui se sont défilés. Et je parle seulement des principaux, hein, parce que si je dois compter tous les patients, les figurants, ce serait encore plus le bordel. Une diffusion dans plus de 100 pays, avec plus de beaucoup, beaucoup de patients et énormément de patients morts. Il y a plus joyeux comme série. Donc, pour vous donner un véritable résumé de Grey's Anatomy, on suit le quotidien de plusieurs chirurgiens, on les voit grandir, évoluer, apprendre, tomber amoureux, changer, oui. Exactement comme dans les Sims. Mais regardez surtout, ne regardez pas cette série, pardon, si vous êtes hypochondriaque, hein, parce que maintenant, dès que j'ai le moindre bouton, je pense à un staphylocoque doré, une tumeur maligne avec des métastases qui ont atteint mon cerveau. Bref, c'est assez compliqué à vivre. Et toi, Thomas, est-ce que t'as déjà regardé cette série ? Oui, ça m'arrive quand ça tombe par hasard sur TF1, mais sinon, je ne suis pas, je t'avoue. Je suis désolé, je t'offense peut-être, mais... Tu m'offenses pas, ne t'inquiète pas. Qu'on ait regardé ou non cette série, notamment grâce à des nombreux... Je m'excuse de ce bafouillage. Qu'on ait regardé ou pas, on connaît tous cette série, notamment grâce à de nombreuses pages fans sur Internet. Et moi, j'en ai personnellement créé plus de 4 et un Skyblog où je parle de Grey's Anatomy. Et voilà, c'est assez gênant comme vie. Bienvenue sur Studek Airlines. Attention, décollage imminent pour les musiques d'ailleurs. À destination de... Thomas, on enchaîne sans tambour ni trompette. Dommage. Expression de... Dommage. De l'année 2018. Avec la musique, parce que les séries c'est bien, mais voyager en découvrant des artistes du monde entier, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce que je vous propose maintenant avec l'instant musique du monde. Bon, on va pas voyager trop loin, puisqu'on va en Allemagne, 19 novembre, fin officiellement de la guerre froide, il y a maintenant 38 ans. 28 ans. Donc c'était tout bien choisi. On va s'intéresser au groupe Kro. Je sais pas si tu connais Thomas, le rappeur Kro, pardon. Absolument pas. Alors, c'est un rappeur allemand qui est masqué, qui a un masque de panda et qui fait de la musique depuis 2008. Et comment j'ai connu Kro grâce à cette musique. Pourquoi ? Car c'est la musique qu'on a tous appris en cours d'allemand dans ma région. Car cette musique parle d'argent, de voyage, d'amour. Bref, la musique parfaite pour apprendre le vocabulaire allemand. C'est vraiment un rappeur que j'apprécie. Il a son style à lui, il a un flow vraiment dingue. Pour un rappeur allemand, c'est assez particulier parce que la langue allemande ne se prête pas trop au rap d'habitude. Et ses paroles sont assez soft, donc convient à toute la famille. C'est un peu le Big Flo et Oli allemand. Ces titres que je vous recommande, Easy, Charm ou encore Bad Chick, et en novembre il a sorti un nouveau single, Victoria's Secret. Ce que je vous propose, c'est de tout lâcher, de monter le son et de danser sur Studek Web en écoutant Batchik. My chick is so bad, so bad, so bad. My chick is so bad, so bad, so bad. My chick is so bad. Egal wie viel Uhr, ich bin immer zu spät. Der Typ auf dem Sofa, der immer nur schläft. Immer nur angeht, immer nur fehlt. Der Jungs tut mir leid, wird Zeit es zu erwähnen. Ich hab doch letzten Monat diese Frau besucht. Wir waren was essen, hatten ein Rendezvous. Sie ist jetzt meine Freundin. Noch immer, wenn ich bei ihr penne, mache ich kein Auge zu. Aber nicht wegen Sex, ich hab Schiss. Denn sie zwingt mich und sagt, du kommst mit. Und dann erzählt sie von irgendeiner Clique. Und dass ich nicht mehr rauskomme, denn alle wären informiert. Sie sagt, lass uns ein Pärchen sein. Ich würde gerne rennen, doch sie sperrt mich ein. Und ich wäre ihr Ken in dem Märchenteil. Bitte, bitte, penn doch heute mal als Erster ein. Shit, alles dreht sich nur um dich. Angelina, Brad Pitt, Jungs. Glaub mir, ich hab Schiss, denn mein Chick is so bad, so bad, so bad. Mein Chick is so bad, so bad, so bad. Mein Chick is so bad, so bad, so bad. Mein Chick is so bad, so bad, so bad. Mein Chick is so bad. Sie ist so bad, ey, sie glaubt meinen Tank. Will nicht, dass ich geh, beraubt meine Bank. Stellt meinen Wecker immer drei Stunden nach. Ey, du musst mir glauben, der Scheiß hier ist wahr. Sie hat mein Handy und gibt's nicht her. Nein, ruf nicht an, denn es ist gesperrt. Und den Mac hat sie obendrein mit versteigert. Ich denke mal, dass sie mich deshalb nicht erreicht hab. Und ja, ich hab meinen Flug verpasst. Doch ich steh mittlerweile mehr als mit nem Fuß im Knast. Und neulich häng ich so allein in ihrer Bude ab. Da kommen die Cops durch die Tür und sagen, wir suchen was. Ich sag, super krass, ich bin ja eingesperrt. Ich glaube, ihr Name ist Janine und ich weiß nicht mehr. Und alles, was ich hier befinde, das gehört mir nicht. Doch leider glaubt mir, dass der Typ von der Behörde nicht. Shit, 30 Kilo Rauschgift, obwohl ich nicht mal kiff. Jungs, glaubt mir, ich hab Schiss, denn mein Chick is so bad, so bad, so bad. Mein Chick is so bad, so bad, so bad. Mein Chick is so bad, so bad, so bad. Mein Chick is so bad. Warte doch mal, ey, du wirst es mir jetzt nicht glauben. Aber gestern Nacht, überkrass. Ey, du kennst doch noch die eine aus dem. Nee, die kennst du nicht, aber egal. Auf jeden Fall die. Immer so blöde Ausreden. Die immer gegen. Aber ey, jetzt warte doch mal, die gibt's wirklich. Ey, wieso sollte ich die erfinden? Ja, ich weiß, die Geschichte war erfunden, aber die ist wirklich echt, Mann. Ja, aber wenn die mein, einfach meinen Wecker verstellt, Mann. Kann ich ja nichts dafür, wenn die meinen Wecker einfach umstellt von 9 auf 10 oder auf 11. Le rappeur Crow en exclu sur Studek Web, j'espère vous avoir convaincu de l'écouter. Si vous voulez vous abonner à tous ses réseaux sociaux, c'est Crow, C-R-O, c'est tout facile. Les poupées russes se rapprochent de plus en plus, n'oubliez pas de vous inscrire sur la page Studek Web. Cet après-midi sur Studek Web, retrouvez le Grand Prime Studek, le GPS qui vous raccompagne chez vous à partir de 17h et jusqu'à 18h. Au programme pour finir la journée, Kenzie vous parlera de Sting Loving You de Scorpion dans Vinyl Story et Mehdi vous donnera son coup de cœur du jour dans son plein phare. Vous pourrez également venir nous voir dans les studios en exclusivité si vous trouvez la bonne année au jeu de la marche arrière. Entre 17h et 18h, tout roule avec le GPS sur Studek Web. Dans moins de 5 minutes, le jeu des poupées russes sur Studek Web. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. Il sera en concert au Zénith de Paris en mars 2019, c'est George Ezra avec Shotgun. On joue au jeu des poupées russes sur Sudekweb. Les poupées russes, vous l'attendiez, vous avez été très nombreux à vous inscrire sur le Facebook de Studacweb et on vous en remercie Thomas et moi. Ah oui, merci. Mais une seule a été tirée au sort et va avoir la chance de participer avec nous. Aujourd'hui, il y aura d'autres chances, ne vous inquiétez pas, c'est Carole, elle a 20 ans. Salut Carole, comment ça va ? Salut toute l'équipe, ça va super ? Salut Carole ! Ah, je te sens motivée Carole. Ah oui, là je suis au taquet. Alors, quelques petites infos sur toi, hein. Carole, tu viens de Metz, tu as une passion pour le sport, la photo et les animaux, n'est-ce pas ? Oui, exactement, j'adore, j'ai plein de chiens chez moi. Et en plus, j'espère que tu vas gagner parce que je viens aussi de Metz. Du coup, c'est un peu la représentation. Donc voilà. Ah oui, ça serait parfait. Exactement. Carole, tu connais les règles des poupées russes. J'oublie même le nom de mon jeu. Poupées russes, je suis là, Lucas. Tu connais même le jeu des poupées russes. Tu as 45 secondes pour donner le maximum de bonnes réponses en rapport avec le thème de Thomas ou de moi. Le thème de Thomas, je te le rappelle, c'est la peur. La peur. La peur. Et mon thème tout simple, c'est la cuisine. La cuisine, bien sûr. Comme je te laisse choisir. Déjà, quel thème veux-tu choisir ? Je vais choisir la peur. Et oui ! Oh, allez ! Personne ne choisit jamais ma cuisine. Je cuisine mal, c'est quoi le bordel ? Oui. Pas terrible. Thomas, bon alors, Carole, tout d'abord, merci. Tu as fait le bon choix. Aucun problème. Donc, mon thème, c'est la peur. Et le sous-thème, c'est tu vas devoir me citer 10 choses qui font peur. Sachant que, pas d'excuses, Carole, moi j'en ai trouvé plus du double. Ok. Donc tu me fais pas une entourloupe, tu me dis pas, Thomas, hein ? Non, non, non. J'en ai trouvé au moins 20, j'ai la liste devant les yeux. Ok, bon. Ok, est-ce que tu es prête ? Ouais, allez. Eh ben écoute, c'est parti, je t'écoute. Les clowns ? Oui. Les sorcières ? Oui. Qu'est-ce qui fait peur ? Les vampires ? Oui. L'argent ? Oui, oui, ça peut, ouais, oui, ça peut. Ça peut faire peur. Ouais, pas trop par moi en tout cas. Qu'est-ce qui peut faire peur ? Oh là là, un cri ? Un cri, oui. Une robe de mariée. Une robe ? Oui, il y en a effectivement. Ouais. Les mariés ? Les robes de. Ouais. Oui. Les. Je sais pas, ce qu'ils voient à la télé par exemple ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, les films d'horreur. Les films. Eh ben, on en a que 7. Oh non ! Et 7 en 2 qui font pas peur du tout. L'argent et les robes de mariée. Alors, non, ce qui est marrant, Carole, c'est que tu m'as sorti tous les trucs les plus improbables et les classiques, tu les as pas sortis. Alors, par exemple, il y avait les bébés. Il y en a qui ont une phobie des bébés. Ah oui, c'est vrai. Il y avait la belle-mère. Ah bah ah oui. Les découvertes bancaires, par exemple, tu m'as dit l'argent, ça passe. Ah, ça le mariage, coup, tu me l'as dit. Il y avait le noir, le vide, les araignées, les serpents, l'avion, les attractions, oui, les armes, les monstres. Il y en avait plein. Tu peux pas le gruger, le petit Thomas. Et non. Mais Carole, ne t'inquiète pas, car on n'est pas comme ça à Studek Web. Tu ne repars pas les mains vides. On t'offre quand même. Allez, le pack Studek Web, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez hop. Ah yes, je suis trop contente. Ne quitte pas, bien sûr, on va te reprendre au standard. C'est Emma qui te reprend pour prendre tes coordonnées, d'accord ? Merci beaucoup, je vous kiffe. Merci Carole, à toi, gros bisous, ciao ciao. Salut, salut Carole. Et là. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'hypocrite sur Studek Web. Alors, ambiance tendue. Bonjour Corentin. Bonjour Lucas. Coucou. Comment bonjour Thomas. Corentin, animateur de l'émission suivante, l'heure exactement. Des médias. Le rendez-vous des médias. L'heure média. L'heure média, voilà. Aucun des deux. Évidemment. Absolument, ça fait 3 semaines qu'on bosse ensemble. On va y arriver. On va y arriver. Au bout de la fin de l'année, à la ce fin sera bon. À la fin de saison, on va y arriver. Voilà. J'avais juste une chose qui fait peur aussi, c'est la coupe de cheveux de Lucas. C'est vrai. C'est, alors... Ah oui, parce que vous allez ne le voyez sur Facebook, pas. On va mettre des photos. On va lui mettre une photo sur la page. Ouais. Mais allez, je dis, suis ça fait peur. Totalement roux, enfin jaune, canard. Ah, c'est jaune poussin là, mais c'est. Je vais vous mettre une photo sur la page Facebook de Studek Web pour que vous voyez ça. J'ai pour les gilets jaunes. Merci Jackie. Ah bah fort. Eh oui. Ah, attends, il a le tact celui-là. Alors Corentin, oui. On est là pour le serment d'Hippocrate. C'est d'Hippocrate. Je ne sais même pas le nom. C'est du cas. Fin d'émission, c'est compliqué. Allez, allez, du coup, va, alors, on va. Annel n'est pas là. Ouais. Donc, tu n'auras que 2 chances aujourd'hui. Donc, plus facile pour toi de trouver. Effectivement. On va te dire, Thomas, ou moi, va te dire une vérité. L'inverse, pareil. Mm-hmm. Et du coup, si tu trouves, tu fais l'intro de Jean-Jacques Gormal, totalement normal. Totalement normal. Mais si tu te trompes, tu auras un petit gage quand t'as trouvé Thomas et moi, qui est plutôt marrant et très difficile parce qu'il y a quand même 27 secondes d'intro sur Jean-Jacques Gormal. Ouais. Donc, c'est plutôt dur. Est-ce que tu te sens prêt ? Ouais, moi, je suis prêt. Thomas, est-ce que tu veux commencer ? Oui, d'accord, il faut que je trouve celui qui dit la vérité. Oui, il faut que tu trouves celui qui dit la vérité, bah du coup tu trouves par conséquent celui qui ment. Voilà. Bah oui, d'accord. C'est un peu logique. Thomas, je te laisse commencer parce que. Alors moi, j'ai 20 ans, j'ai mon permis à mes 18 ans. C'est faux ! Ok, ça va ? Vas-y. Donc j'ai 20 ans, j'ai mon permis donc il y a 2 ans, je l'ai eu pile à mes 18 ans. D'accord. Je fais conduite accompagnée, bref, je te passe les détails. Forcément, on sait comment sont les jeunes conducteurs, un peu fous. Ouais. Donc moi j'étais avec des potes, on rentrait de soirée, ouais. Et forcément je vois un feu au loin, il est vert, je roulais normalement, il passe à l'orange, forcément bah tes potes ils disent fonce, fonce, t'accélères, et au moment où je passe il est au rouge, bon moi j'étais content, ça marche bien, c'est rouge, ouais c'est bien, non, bah, j'étais content parce que je suis passé, ne le faites surtout pas, attention, clairement. Et j'en suis pas fier, et bah là j'étais content jusqu'à temps que dans le rétro je vois des gyros, donc voilà, donc mes potes c'était bien alcoolisé, pas moi, attention je répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais griller des feux c'est pas et du coup ce que j'ai fait, bah j'ai essayé de sauver j'ai essayé de sauver la police, mais par contre le reste on s'en fout, ça passe, j'ai essayé de sauver la police et ils ont fini par m'arrêter. Ouais. Bon, j'étais pas alcoolisé donc ça va, mais j'ai quand même une très grosse amende. D'accord. À mon tour, on tourne aussi de la police, un peu plus criminel, voilà. Il se trouve qu'il y a quelques années, quand j'avais 14 ans, je suis allé en garde à vue pendant 19 heures, ouais. À ne pas reproduire non plus, parce que j'ai failli faire dérailler un train et tuer 80 personnes qui étaient à l'intérieur de ce train. Parce que j'ai déposé un tronc d'arbre sur les rails. Ce qui est normal, c'est totalement normal. C'est ce qu'on fait tous les dimanches. Quand on a 14 ans, entre potes, on dépose des troncs sur les rails et on va en tôle. Alors, Corentin, tu as tous les atouts en main. J'ai tous les atouts en main. Qui dit vrai ? Pour moi, celui qui a une vraie histoire, qui s'est vraiment fait choper, je vais dire que c'est toi. Tu dis que c'est moi ? Ouais. C'est ton dernier mot ? C'est beaucoup trop. T'as dit 19 heures de garde à vue. Si c'était inventé, t'aurais sorti un chiffre, j'ai fait... non, 19 heures de garde à vue, c'était trop... trop précis. Eh ben tu as raison, Corentin, c'est moi. C'est cri de joie. Voilà, je suis quand même allé en garde à vue pendant 19 heures parce que j'ai fait une connerie. Mais t'étais tout seul avec non, ce tronc avec ma meilleure amie. Ah ben voilà. Corentin, tu as quand même un petit gage, tu vas devoir faire l'intro mais de Jean-Jacques gagné, Goldman. J'ai pas de gage. Mais c'est 27 secondes, donc c'est compliqué. Ouais, c'est... On te laisse annoncer donc Jean-Jacques Goldman, je marche tout seul. D'accord. Et merci d'avoir écouté, bien vu le Studek Borderline. Et on se retrouve demain avec Thomas en animation. Et oui, à demain. Ouais. Et celui qu'on ne présente plus, bah, Jean-Jacques Goldman, le chanteur français qui a écrit pour les plus grands, il a écrit pour Johnny, il a écrit pour Céline Dion. Il a un étendoir à son arc, c'est formidable. D'ailleurs, il était l'un des premiers aux Enfoirés. Mais non. Ils étaient 6 et Jean-Jacques Goldman, mais forcément, le mec. Ouais, le mec, il s'est écrit. La bouteille, quoi. Là, c'est très bien que, voilà, que le mec, il est là. Donc, Les Enfoirés, c'était un projet qui lui tenait à cœur. Jean-Jacques Goldman, on le retrouve avec Je marche seul. C'est sur Sudeclub. Je m'en